Un ange sur la terre, chapitre 28. Code de l'honneur. Après la scène qui s'était passée entre le millionnaire et la marquise, et dont personne n'avait eu connaissance, on put remarquer chez celle-ci une grande préoccupation. Des courtiers, des avocats, des notaires se succédaient chez elle. Mais la marquise gardait le silence et, chose triste à dire, sa fille, absorbée par sa passion, ne pensait pas à autre chose. Dans son égoïsme d'enfant gâté, tout ce qui ne se rattachait pas à son idole n'était rien pour elle. Dieu a sans doute mis dans le cœur d'une vierge un aimant irrésistible pour lui donner le courage de sortir du giron maternel. Mais il est des limites qui ne devraient jamais être dépassées. Quel que soit le sentiment qui la domine, il ne devrait jamais lui faire oublier ce qu'elle doit à sa mère et, dans son propre intérêt, elle ne devrait jamais oublier que le voile sur le visage, la retenue dans les actions, sont un charme qui ajoute une piquante séduction à l'élégance et à la délicatesse. Tout entière à son amour, Reine ne devina rien et n'interrogea pas sa mère. « Puisqu'elle ne me dit rien, se contenta-t-elle de se dire à elle-même, c'est qu'elle ne veut pas que je sache ce qui se traite ici. L'interroger serait peut-être la contrarier. » Que de gens transigent ainsi avec leurs devoirs et se croient à l'abri de tout reproche. La veille du jour où expirait le contrat du prêt fait par Don Roque, la marquise avait demandé un entretien particulier à son ami Don Domingo Osorio. Quand celui-ci entra chez la marquise, il la trouva assise et écrivant à son bureau. « Marquise, dit-il en s'approchant, « la République dévore ses enfants. Les rouges commencent à rire jaune. Henri V est à Marseille. Tout ce qu'il y a de cloches en France est en branle. Tout ce qu'il y a de canons fait des salves en son honneur. Cela ne pouvait manquer d'arriver. Après le chaos, la lumière, l'ordre après le désordre. Plus la fièvre est violente, moins elle dure longtemps. Il est entré à Vigo. Ajouta-t-il à voix basse, un bâtiment russe chargé de 20 000 fusils et de 200 000 roubles. « Don Domingo, dit la marquise, sans paraître avoir entendu les nouvelles politiques que venait de débiter le vieillard. J'ai désiré vous voir pour vous communiquer deux choses. L'une est le mariage de ma fille. De Rennes? Et avec qui? Avec le marquis de Navia? Non, elle épouse Gennaro. Gennaro? Oui, ce mariage détruit, il est vrai, tous mes projets pour elle, mais elle est folle de Gennaro et ne veut pas entendre parler d'un autre. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'opposer à cette union, comme il convenait à une bonne mère qui, dans le mariage de sa fille, ne doit pas céder à un caprice, mais ne voir que son bonheur à venir. Son rang dans le monde et le bien-être des enfants qu'elle peut avoir. J'ai agi en tutrice qui considère le mariage avec toute la gravité d'un acte d'où dépend la destinée d'une famille entière. J'aurais voulu que ma fille trouvât en se mariant des avantages équivalents à ceux qu'elle a portés. Persuasion, autorité, douceur, rigueur, j'ai tout employé. Tout a été inutile. Tout est venu échouer contre sa volonté de faire. Ah, Domingo, je suis bien puni de ma faiblesse. Si dès son enfance, j'avais élevé ma fille dans ces sentiments d'obéissance que les mères devraient, avant tout, inculquer à leurs enfants, j'aurais coupé dans la racine ces germes de rébellion future. Enfin, j'ai rempli mon devoir en faisant à ma fille toutes les représentations que je croyais devoir lui faire. Il faut se résigner maintenant Et d'ailleurs, à part son manque de fortune, Gennaro est un véritable gentilhomme, de naissance et de manière. Sa conduite est exemplaire, il est doué de capacités peu communes et sera, je pense, un administrateur fort entendu de la fortune de sa femme. J'avais rêvé pour reine un parti plus brillant, répliqua Don Domingo, visiblement contrarié. Mais enfin, puisqu'elle le veut ainsi, il faut bien en prendre son parti. Cette reine est une reine absolue. Absolue en effet, en pensées et en actions, dit la marquise en souriant. Je n'aime pas l'absolutisme en pensée, marquise, je n'en fais cas qu'en action. Pourvu que le pouvoir soit entre des mains fortes et puissantes, capables de l'exercer à l'avantage de tous. Venons maintenant à l'autre affaire dont je voulais vous entretenir, poursuivit la marquise. C'est demain qu'expire le délai d'un an stipulé au contrat que j'ai fait avec Don Roque. Je le sais, répliqua Domingo, et comme reine n'est pas encore mariée, et que, selon toute probabilité, le mari qu'elle va prendre ne résiliera pas le contrat, vous l'avez sans doute renouvelé. Non, et je ne le renouvellerai pas. Comment? Mais que ferez-vous alors? Je rembourserai Don Roque. Le rembourser? Et de quelle manière? Lui abandonneriez-vous le gage de l'hypothèque? Le manant le voudrait bien, mais il n'aura pas ce plaisir. Alors, comment ferez-vous pour le rembourser? Où trouverez-vous l'argent nécessaire pour sortir d'embarras? Le voici, dit la marquise en tirant de son secrétaire des lettres de change payables à vue. Don Domingo les prit et, après les avoir examinées, « En voici une, dit-il, de 400 000 réaux, signée du riche fabricant F. C'est lui qui vous paye votre rente viagère. Comment se fait-il ? Je l'ai aliéné, répondit la marquise. Jésus, Jésus, quelle folie, quelle extravagance ! Exclama Don Domingo d'un ton désespéré en levant les mains au ciel. Une rente de 30 000 réaux et sur la tête d'une femme qui n'a pas 40 ans. Jésus, vous vous êtes ruiné en aveugle. Le contrat était hypothéqué sur le majorat de votre fille. Vous n'étiez pas responsable. À quoi bon se sacrifier sans nécessité? Don Domingo, la fortune de ma fille et la mienne ne font qu'une. Une fois mariée, son mari ne pensera peut-être pas ainsi. Il peut ne reconnaître ni la dette ni le sacrifice. Gennaro est incapable d'un semblable procédé. Mais admettons que cela arrive. Il me reste mon douaire qui me suffit pour mes vieux jours. Don Domingo prit l'autre lettre de change de 200 000 douros souscrite par le joaillier B. « Marquise, marquise » exclama-t-il. « Comment ? Vous avez vendu vos magnifiques diamants, ces joyaux de famille évalués à plus d'un million, et que votre bisaïeul avait rapporté de Lima, et pour 200 000 misérables douros ? Je n'ai pas tout vendu, cher ami. J'ai réservé pour reine une parure complète. Mon Dieu, disait Don Domingo hors de lui et parcourant l'appartement à grands pas. Quelle déconfiture, quelle ruine! Pourquoi ne m'avoir pas prévenu? Si ce Roque exigeait le remboursement de sa créance, il n'aurait pas manqué de gens qui, aux conditions tyranniques imposées par cet homme, vous eussent prêté la somme nécessaire. « Assez, assez !» répliqua la marquise tout émue. « Oh, assez, je ne veux plus de dettes. Les dettes, comme le feu, consument lentement la paix de la vie. Elles rabaissent la plus haute supériorité au niveau de la médiocrité la plus infime. Elles engendrent le mépris de la part du vulgaire, l'outrage de la part du riche. Et elles ont raison d'être orgueilleuses. Un noble qui s'endette perd ses droits à porter la tête haute. C'est un galérien qui traîne sa chaîne aux pieds. Le premier noble qui s'endetta, à part les dettes contractées pour le roi et pour la patrie, fit tomber le premier créneau du château fort élevé par la noblesse à son emblème. Pour se maintenir dans toute sa gloire, la noblesse doit donner à main ouverte, sans jamais rien recevoir. Celui qui peut payer et ne paye pas, même au prix des plus cruels sacrifices, transige avec l'honneur et laisse volontairement à ses descendants une plaie toujours saignante. Les dettes sont la lèpre des maisons nobles et la flétrissure de leur blason. L'expérience m'a cruellement démontré ces vérités, Domingo. Les dettes ont rempli ma vie d'amertume. Elles m'ont fait faire ce que je n'aurais dû jamais faire, c'est-à-dire admettre chez moi des gens indignes d'y paraître. Elles m'ont valu la première insulte que j'ai reçue de ma vie. Oh oui, la leçon a été bonne. Ma fille n'en passera pas par où en est passée sa mère. Et je lui remettrai sa fortune parfaitement liquide. Marquise, dit Don Domingo, en voyant la violente agitation de son ami, Marquise, vous êtes sous l'impression d'un noble sentiment, développé sans doute par quelque récente cause que j'ignore. Il y a du vrai au fond de ce que vous venez de dire, mais vous exagérez un peu les choses. Un prêt et quelquefois un service rendu, un bienfait pour l'emprunteur. « Je nie le fait, » répliqua la marquise avec une chaleur toujours croissante. « Je nie le fait, à quelques rares exceptions près. Je voudrais, Don Domingo, qu'il y eût un code de l'honneur, où nos enfants apprendraient que la dette est une honte et que l'usurier n'est qu'un infâme vampire, dont le contact ne doit pas inspirer moins d'horreur que celui du bourreau. Je voudrais que l'on enseignât dans ce code à honorer le noble pauvre qui ne demande rien à l'égal du riche plébéien en état de donner. En les plaçant tous deux sur la ligne de leurs valeurs respectives, on obtiendrait cette égalité si bien prônée et que poursuivent en vain l'orgueil et la vanité. Car si l'homme qui ne demande rien est riche, le riche qui sait donner à propos est véritablement noble. Ainsi, Domingo, il y aurait progrès dans une route tracée par l'Évangile, cette source unique et première de tout progrès moral.